الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه الأيام بمناسبة قرب أيام العيد في هذه السنة يعني 1440 من الهجرة النبوية عليه أفضل الصلاة والسلام كثير من الإخوة يسألون عن مسألة وقوع يوم عرفة مع يوم السبت. طيب، en cette année de l'an 1440, il se trouve que le jour de Arafat, qui arrive ces jours-ci, va coïncider avec un samedi. C'est les choses qu'Allah Azza wa Jalla l'a qaddar. Donc de là, cette mas'ala, ce sujet-là, a causé problème à pas mal de frères. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois, ça arrive fréquemment que ce genre de situation se déroule et que les gens restent un petit peu confus dû à la divergence que l'on trouve chez les ulama dans ce sujet ou dans d'autres sujets. Donc en premier lieu, on informe, comme on le répète fréquemment dans nos doulous, que les divergences sont de différentes catégories. Il y a la divergence d'opposition, tadad, c'est-à-dire quelqu'un qui s'oppose à un dalil clair, un dalil il est présent, sur une chose, wadih, qui ne mérite aucune, on va dire qui ne mérite aucune, aucune contradiction, et ce genre de divergence n'est pas accepté. C'est-à-dire que le contradicteur, l'opposant, est blâmable. Qu'on appelle khilaf al-tadad. Après, on a le deuxième, qui est celui de la variété dans les différentes façons d'appliquer une adoration, ce qu'on appelle khilaf tanawwu. Ça veut dire qu'on a des hadiths qui parlent d'un sujet, qui disent que parfois on peut faire comme ça, parfois on peut faire comme ça, et parfois on peut faire comme ça. Et tout est accepté. D'accord, cette divergence-là, il n'y a pas de souci par rapport à elle. Le abd, il est fertier, il choisit ce qui lui convient le mieux. Et la troisième, c'est khilaf tafahum al-afham, le fait de avoir un même dalil, d'avoir un même sujet, mais de le comprendre de différentes façons, quel sujet, yani le hadith, ou le verset, ou le cas, est interprétable, sous différentes, yani, différentes visions. Donc ce genre de divergence-là également, il n'y a pas le souci du fait qu'elle est permise. Elle n'amène pas à blâmer l'opposant par rapport à cela. Quelqu'un peut dire chez moi, la parole qui est prépondérante, la plus juste, c'est celle-ci. Je ne suis pas l'autre avis, ou deuxième avis, ou troisième avis, ou quatrième avis, s'il y en a plusieurs. Mais il respecte l'avis de l'autre, d'accord ? Et il dit, chacun, celui qui a choisi cet avis-là, s'il voit que c'est ce qui le rapproche d'Allah Azza wa Jal, il applique, il n'y a pas de souci par rapport à cela, on ne blâmera pas. On ne blâmera pas par rapport à cela. Non. Donc là, ce sujet-là, il rentre là-dedans. Le sujet du Siyam Yom Sept, Ifrad Yom Sept, le fait de jeûner le samedi, seul. Car la divergence, elle est basée sur quoi? À la base, sur le hadith, le jugement du hadith qui s'y rapporte. Comme a akhraja l'imam Ahmed, rahmallahu ta'ala, ou ainsi que Ashab Sunan, min hadith As-Sama bint Busr, radiallahu anhuma, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qala, la tasumu yom al-sabt, illa fi maftulida alaykum. Fin lam tajid, ou fin lam yajid ahadukum illa liha anabin, ou oud shajarin, fal yurmidha. Que le Nabi Sassam l'a dit, ne jeûnez pas le jour du samedi, hormis ce qui vous a rendu obligatoire. Et que, à tel point que si l'un d'entre vous ne trouve autre qu'une écorce de raisin ou un bâton d'arbre, il y a une branche, même voire même on pourrait dire une brindille, alors qu'il la morde, c'est-à-dire pour rompre son jeûne. D'accord ? Qu'il rompe cela pour rompre son jeûne. Donc le hadith, il y a eu divergence entre les ulama par rapport à ce jugement, entre ceux qui voient qu'il est faible et ceux qui voient qu'il est hassan. Même entre nos machères du Yémen ici, ils divergent. Par exemple, Cheikh Yahya al-Hajouri et autres, Cheikh Abdelhamid al-Hajouri et autres, voient que le hadith n'est pas authentique. Et d'autres, comme Cheikh Mohamed ibn Hizam, lui, il voit que le hadith est authentique. Et il a déjà été devancé par cela, par plein d'ulama, et les autres aussi qui le voient comme étant faible ont été précédés en cela par d'autres imams du hadith. Donc c'est un sujet de divergence qui existe depuis longtemps. Donc maintenant, ceux qui ont choisi l'avis que le hadith est authentique et qu'ils ne veulent pas jeûner, il n'y a pas de souci, c'est leur droit. D'accord? Et si on y a, en cela ils sont sincères et qu'ils estiment que c'est la vérité, hein, ils agissent en conséquence. Les autres, qui eux suivent l'avis, sont plus apaisés de l'avis de ceux qui authentifient le hadith, qui affaiblissent le hadith, mathalen, et qui veulent en tirer la récompense de Jomo Arafat, qu'ils le fassent également. Et que celui qui ne jeûne pas, par exemple, en se disant je perds le jour de Arafat, on te dit que si jamais tu laisses une chose pour Allah Azawajel, tu as la croyance que ce jour-là n'est pas un jour dans lequel il est permis de jeûner, tu es récompensé pour ta niya, car Allah Azawajel sait que tu l'aurais fait. Innamal a'mal bin niyat. D'accord, comme dans le hadith de Anas et Jabir, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam revenait d'une razzia de Tabouk, qala inna la khalfana ou inna khalfana la rijalan bil Madina. Il a dit qu'il a derrière nous avons laissé des gens derrière nous, des hommes. Voyez, wa qala ma qata'tum wadiyan wa la salaktum shi'ban illa wa hum ma'akum. Vous n'avez pas traversé de vallée ni de contrée sans que ces gens-là qui sont absents étaient avec vous. Qala habasahum al-'udhr wal-marad, qu'ils ont été retenus par une excuse ou par une maladie. C'est-à-dire qu'ils voulaient le faire, mais n'ont pas pu le faire. Les personnes qui veulent jeûner ce jour-là, qui auraient voulu jeûner ce jour-là, mais ne le font pas parce qu'ils estiment qu'il ne faut pas le faire en ce jour-ci, leur niya est qu'ils veulent le jeûne à la base. Ils n'ont pas laissé le jeûne, mais ils se disent ce jour-là, je ne peux pas. Donc leur niya est compté auprès d'Allah Azzawajal comme quelqu'un qui veut jeûner à la base, mais qui est excusé pour une raison particulière qui ne peut pas jeûner. Donc sa récompense, elle ne l'est pas perdue. Bien sûr qu'elle n'est pas la même que celui qui aura jeûné, mais dans le sens, il n'y a pas de péché sur lui et qu'il ne se dit pas j'ai perdu, c'est une perte, un déficit pour moi. D'accord? Que Allah Azzawajal, il compte ton acte. Comme a dit Allah Azzawajal dans le Kitab al-Karim, Ya ayyuha an-nabiyyu, qul fi man aydikum min al-asara in ya'lamillahu fi kulubikum khayran, yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Dis ô toi le messager, dis à ceux que vous avez comme prisonniers, que si Allah sait ce qui est dans vos cœurs, comme bien, il vous rendra un bien meilleur que ce qui vous a été pris. Vous voyez, dans les hadiths, quand Allah, ma talakta shayan lillah, il y a awada bi khaylin minhu. Que Allah Azawajel ne t'a pas laissé, tu n'as pas laissé une chose pour Allah Azawajel, une chose qui t'a apporté, mais tu l'as laissé pour lui sans qu'il ne te la remplace par meilleur. Donc tous ces hadiths-là, de façon générale, sont comme une tasliya, une forme de consolation pour celui qui voudrait jeûner, mais qui voit que le hadith est authentique, qui ne veut pas le faire par rapport à cela. Donc de là, et on a un call comme celui de Cheikh Mohammed Ibn Hizam que je citais aussi ici, et d'autres ulama que eux voient que le hadith est authentique, mais que le hadith il a un sens. Et quel est-il ce sens? C'est qu'en réalité, ce qui est interdit dans ce hadith là, c'est de jeûner, comme c'est le call de l'imam al-Bayhaqi et l'imam al-Tahawi et d'autres encore parmi eux, qui voient que l'interdiction elle est due au fait de viser le jour du sept. C'est-à-dire de viser d'avoir une niya que de jeûner le samedi parce que c'est le samedi. Ta'ziman yad al-yawm, pour glorifier ce jour-là. Par contre, ils disent, ça c'est interdit. Mais ils disent, si maintenant tu ne vises pas le samedi à la base, tu n'es pas derrière le jour de samedi, mais il se passe qu'il y a une raison qui te pousse à jeûner à ce moment-là, et ça tombe, ça coïncide avec un samedi, alors toi ta niya c'est quoi? C'est pas le samedi, mais c'est autre raison qui vient. Donc à ce moment-là, ils disent, tu peux jeûner. Comme c'est le cas-là de Arafat, où ça tombait un jour de Ashura. Et parmi les choses qui amènent à penser que cette parole-là est correcte, c'est que le Nabi sallam, il a dit Ahab siyam ilallah siyam Daoud. Le meilleur des jeûnes auprès d'Allah, c'est le jeûne de Daoud. Kana yasum yoman, yuftir yoman. Il jeûnait un jour et il rompait un jour. Donc, le Nabi sallam a confirmé cette adoration que faisait Daoud, c'est-à-dire qu'elle est toujours valable pour notre communauté. Et le fait de jeûner un jour sur deux, ça amène à ce que ça va tomber un samedi, forcément. C'est inévitable, cela. Et ça va tomber un samedi seul, c'est-à-dire le jour d'avant, la personne ne jeûnera pas, et le jour d'après, la personne ne jeûnera pas. Donc cela amène à dire que c'est un indice qui montre que, à cette parole-là, que ces ulama, ils ont dit que c'est le fait de viser le samedi en soi, qui est interdit, et non pas le fait de viser une raison autre, extérieure à ce jour, qui coïnciderait avec ce jour. C'est ça la cause qui emmène à sortir de l'interdiction. Car quand on appelle ça un tahrim, on prend le texte selon l'apparent, tant qu'on n'a pas un sarif, c'est-à-dire une chose, un indice qui nous montre que ce hadith-là veut dire telle et telle chose. Et là, ce genre de hadith comme le jeûne de Daoud nous montre que dans des circonstances, jeûner le samedi, cela est permis. Seul. Donc notre cher Mohamed Ibn Hizam, lui voit cela. D'accord ? Si ça tombe pour une occasion particulière, autre, tu ne vises pas le samedi, mais ça tombe un samedi et tu n'as peut-être pas le choix, alors tu vises ce jour-là. Je veux dire, tu fais ton jeûne, même s'il tombe ce jour-là, et tu as la récompense qui est attribuée à la récompense de ce jeûne et non pas du samedi. Ça ressemble un peu comme à la masala des salawat surrogatoires dans les temps d'interdiction. Il y a des temps d'interdiction de la salat, comme au moment où le soleil se lève ou au moment où le soleil se couche. Ce sont des moments où il n'est pas permis de faire la salat. Mais celui qui fait une salat pour une raison particulière, à ce moment-là, comme par exemple Tahiyat al-Masjid, il rentre dans le masjid, il fait deux rakats avant de s'asseoir, ce moment où c'est interdit, il doit les faire. À la cour de Sahih. Ou par exemple, il a fait l'ozo, il a l'habitude de faire deux rakats après l'ozo, et que ça arrive au moment où c'est l'heure de l'interdiction de la salat, comme il a fait une raison, c'est un rakat, il peut les faire. Ou quelqu'un qui veut faire istikhara, il a une chose à faire à un moment important, il ne peut pas retarder, il n'a que ce moment-là pour faire la salat, il fait la salat à ce moment-là. Par exemple, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle zawat et sabab, c'est-à-dire les salawat qui ont une cause. Celles-là, tu peux les faire même au temps où la salat, le temps il est interdit, si cela n'était pas évitable. Donc ça ressemble un peu à ça. Donc pour en revenir à ce qu'on disait, que par rapport à cela, ça c'est moi c'est l'avis pour lequel, alhamdoulilah, je me sens plus apaisé, qu'il est permis de jeûner ce jour-là, avec la niyyah de viser la récompense de Arafat, ou si c'est une autre occasion qui se présente. Non, je dis cela parce que plusieurs frères ont envoyé la question, ils ne savent pas quoi, comment agir dans ce moment-là, surtout qu'on connaît qu'il y a le call de Cheikh Al-Albani, qui est très connu, qui lui, voit que cela n'est pas permis, même ça tombe sur Arafat. Et les kalams de Cheikh Al-Albani en France sont très propagés. C'est parmi les imams les plus écoutés. Et il le mérite à la base, c'est parmi les imams de notre Ummah. D'accord ? C'est-à-dire son avis, il est considéré, il est fort. On ne dit pas, c'est comme quelqu'un qui parlerait, on ne fait pas attention à ce qu'il dit. Lui, son avis, il est pris en compte, sans aucun doute. Donc là, c'est la nasiha que je voulais donner par rapport à ça. Donc celui qui veut jeûner, s'il prend cet avis-là, mais qu'il est sincère, il est sadiq dans sa niya, qu'il jeûne. Il aura sa récompense, biznillah ta'ala. Celui qui ne veut pas jeûner, qui ne se sent pas apaisé et qui préfère voir le côté interdit dans l'absolu du samedi, et qu'il voit que les ulama qui ont authentifié le hadith et ne voient pas ce côté qu'on appelle sarif, cette interprétation comme étant valable, il le fait également. D'accord ? Aucun blâme ni de l'un ni sur l'autre. C'est une divergence, c'est-à-dire qui est permise, qui est due à l'interprétation, la compréhension par rapport à un hadith. Hadha alladhi radna al-yawm, hadhihi nasiha pour les frères, de façon générale. Même, d'accord. Faire la chose, c'est une adoration, et délaisser une chose pour Allah, c'est une adoration également. Walhamdulillah, rabbil alamin.